Brise des définitions. Apontant night club et Pucha sur mer. Tout roba is Ebola. Ya GG fou la mambo. Modogo botekole. Président Gabin Tembo. Sakari Baba Basu. Mbanga danger. Kelo kelo Olivo eto ete odore monte manapai La comida male vita voli moleo La pesi permission Oh la pesi permission La linga Mamo poca poca mamo te me fedo Papa Oi poca la misa se asoti manayo Lukite na bebe Mupatasi Bubuli La vie qu'on s'y protège. WW Bob Mass. J'ai piqué qui t'engue, resto c'est mes doigts. Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Vangalanda, Son Excellence Ahmed Bakayoko. Yonde médecin spécialiste en dendrologie. Les qui s'en va au-dessus de la troisième corde. Orgasie, prise de définition. Et les qui s'en va. L'aura tendance à Nicole Bangou. Qui s'en va. Les big boss Vincent Gomez respect na voyo ka bien na voyo ka monte maye yo so comme bien chérie bande la leçon mémoire pour moi maman après au salangele ni na voyo ka bien na voyo ka lole moue C'est plus ce bâtard, Michael et Bina Abraza. Yabo Manonga. Maria Meissa, Mama. Ipo Makaya, Bode Kimani. Pardon, chérie. Mandela Lissoué, je t'aime encore. Encore une paix. Balolanga, Yébilo, Makatia, Mwa moyo yebisa kinga ke olinga kanga Musapina yo na matoi na nga kares papa Maboko na yo na loketo na nga imotive nga ye Yoka momonga mwana nga nyamoke Yazole la tonga ya batene ye Yoka momonga mwana nga nyabebe Yazole la tonga ya batene ye Azina loketo ye Azina loketo Azina loketo na ye Ya sambale Azina loketo a mama Azina loketo na ye Azina loketo a mama Azina loketo na ye Ebonga mwana bato soja leli Mama kani takate libele tango moso zungungi molunge beyele lisaka bebe beba zang interpe kakolo ma pense na ye boya moise li kukuma interpreta lelo moto me boye kompeta mono koma loba eloba je deviens bebe kole la ngai mama kule zala zala te soka esa papa na motema mwana moto Mama fungo la kusho talanga Mamu kunende wa sala sala Migale zindongo mkebe fuete Edi ilanga metre gouter na londo Nakangi vizu debili telemoni sheri Nanga bati mapapa bongwani angelu Nakazi angelu kumanga na lola Nakabana na boka suusi Yeah Ale mafumba Beba sera kateka si mama salila Kajele fusi Yanga boli mona singi e komi devoir à domicile Na baloli chemise lelo komo yeso la na mokomo E pesa motema contre ni ya boli mwa edo Soki balingi otato lele okolela iyo na nanye Kilo ya boli mwele ki kilo ya babeto David Monso e son diamant noir Didi kinwani kunzu le bijoutier Elise Mboma, Bijou Mboma, Fideline Moussadi, Washington et Bouti, Rosette Dama, Patrick et Tamama, Nanati, Olé, Edi Badiata, Mimosa, Agazou Zouleman. Chiba chiba Joli Elina Patrick Mubi De kaka bongo ya chuli chani Tati chimbulu wa misinza Patrick